طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أمس أنه قد انتقد على الإمام ابن قدامة بعض الكلمات في بعض المواضع، ومر بنا موضع أمس وهو قوله ماذا؟ Qui c'est qui se rappelle? On a vu que l'imam Ibn Qudama, dans son livre Le Ma'atul Al-Itiqad, il a été fortement critiqué à certains endroits par les savants. Hier, on a vu un endroit, le premier endroit où il a été critiqué. Qui c'est qui se rappelle de la parole? Ouais. Mais pas leur sens. Ouais. Ceux qui posent problème. Qala ma ashkala. Yani ma ashkala min as-sifat wal asma wajaba ithbatuhu lafdan duna at-ta'arrud li ma'na. طيب il a dit comme quoi si on trouve des attributs, des noms et des attributs qui nous posent un quelconque problème en soi, on se doit de les affirmer, d'affirmer leur prononciation et sans s'opposer à leur sens. Il a dit on se doit d'affirmer leur prononciation sans s'opposer à leur sens. Mais il n'a pas affirmé qu'on se doit aussi d'affirmer le sens de ces noms ou le sens de ces attributs. Ce qui constitue une forme de cohérence avec la voix d'une secte parmi les sectes égarées qui n'est autre que Al-Mufawwida. Ceux qui prétendent que on affirme les noms d'Allah Azzawajal en tant que prononciation, c'est-à-dire on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, on dit tout ça sans affirmer le sens. Le sens on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Main? Al-Yad? Manadri. Il n'y a qu'Allah qui sait. Personne ne sait si ce n'est Allah Azzawajal. Ça c'est un i'tiqad mada? Ya Fahmi? Batil. C'est un i'tiqad batil. Le fait de croire que les sens des noms et des attributs ne sont connus de personne. Ça, c'est un i'tiqad batil. Voyez, on a vu aussi qu'il se peut que certains attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur sens te soit qu'on ignore ou que certaines personnes ignorent le sens de cet attribut. Par exemple, qui c'est qui a un attribut dont on ignore ou dont le sens il est compliqué? On a qu'un sifa, il y a un sifa. Certains savants ils l'ont affirmé, certains ils l'ont réfuté. Tamam? Kal malal. Al-malal, la lassitude. Tamam. Certains savants l'ont affirmé à Allah Azza wa Jalla. En prenant le hadith, inna Allah la yamillu hatta tamillu. Allah subhanahu wa ta'ala ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Tamam. Al-muhim, Cheikh Yahya ma yara anna hadha sifatun lillahi Azza wa Jalla. Mais d'autres, ils voient que c'est un sifa. Al-Muhim, si on prend la vie que c'est un sifa d'Allah Azzawajal, son sens, il peut être ambigu. Taïb, est-ce qu'il va être ambigu pour la totalité de la communauté ou pour une partie musulmane. Naam, pour les savants, ou pour certaines parties des savants, il ne sera pas ambigu, il sera clair. Le sens, il sera clair. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna dont le sens n'est pas connu de toute la communauté. Le fait de dire ça, ce serait une conformité avec le madhab des Mufawwidah. Le fait de dire qu'il y a des sens, qu'il y a des textes du Coran, de la Sunna, dont le sens n'est pas compris de toute la communauté, ça c'est la croyance des Mufawwidah. Tamam. لكن هل هناك شيء من النصوص لا يعلمه إلا الله؟ Est-ce qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna des choses que seul Allah connaît? Al-Ghayb, mais dans les Asma wa Sifat. Dans les Asma wa Sifat? Na'am, ma'o? بس ما اقصد هذا ceux qui sont cités sur ceux qui sont cités toi tu parles de que ceux qui sont cités par exemple Aliyat il y a quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala له يد صح والمعنى نعلمه ها عثمان اسمع المعنى نعلمه نعم on sait c'est le sens apparent كما قال الامام مالك الاستواء معلوم الاستواء معلوم c'est une chose connue comme la main c'est une chose connue تمام mais il y a une chose qu'on connaît pas c'est quoi اي le comment الكيفيه كيفيه الصفات ما نعلم تمام le comment ça on le connaît pas. Donc c'est la seule chose qu'on doit tourner, qu'on doit vouer la connaissance à Allah seul. Là, le comment. Le comment des choses. Le comment des sifat. Et... Naam. Le comment des sifat. Tamam. C'est compris ça hein? Celui qui n'a pas compris, nu'id. Ma indana ishkal. Celui qui dit que le sens il est pas ma'loum. Naam, hadi bid'atun. Hadi, c'est une bid'a. Que le sens, par exemple, il te dit ma min ahad al-yad, on connaît pas le sens du mot yad. Al-basar, on sait pas c'est quoi. Al-rahma, ma na'lam. Al-lutf, ma na'lam. Hadha bid'a. Hadi bid'a. Naam. Parce que ça, c'est un asl. طيب, qui c'est qui nous rappelle les qawa'id ou les usul التي مرت بنا. أول القاعدة بقاء دلالة اللفظ على ظاهره. Vous vous rappelez, la première des règles que Sheikh Al-Uthaymeen a évoquée, c'est de laisser le sens apparent des textes. De les laisser dans leur sens apparent. Tamam. طيب ensuite on n'avait pas pris le charh de Cheikh Al-Uthaymeen mais inchallah ma nahtaj qad tadhakarna ma yakfi fi hadhihi al-kalimat. Donc on passe au paragraphe d'après. Qala al-imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu. رضي الله عنه هذا منتقد رضي الله عنه هذا هذا اللفظ يطلق على من؟ على الصحابة أما على غيرهم فلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قال رضي الله عنهم يعني عن الصحابة فلهذا نحن نقول رضي الله عنهم أما عن غيرهم فلا نثبت ذلك وإن كانوا ماذا أئمة أجلة كهذا الإمام الذي كان لقبه إمام أهل السنة والجماعة وقد قيل أن الله سبحانه وتعالى حفظ أو حفظ هذا الدين به وبأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et certains salafs, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé sa religion de par Abu Bakr, de par deux personnes. Abu Bakr, lorsque les gens ont apostasié, et l'imam Ahmed, lorsque les gens ont proféré la parole de Khalq al-Qur'an, comme quoi le Qur'an est créé. Qui a dit ça? Yani, Al-Jahmiya ou... الفرق التي ظهرت في أيام الإمام أحمد. دي سكت كي سون أباغو أو طون دو الإمام أحمد. نسيت من الإمام الذي ذكر أحد السلف لكن نسيت من هو. طيب. قال donc l'imam Ahmed là il rapporte une parole de donc l'imam Ibn Qudama il rapporte une parole de l'imam Ahmed et cette parole elle est très très importante. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها. Au sujet de la parole, donc ça c'est l'imam Ahmed, il dit au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier cieux et qu'Allah sera vu le jour de la résurrection et autres parmi les hadiths, nous croyons en cela. Ça c'est l'imam Ahmed qui parle. Nous croyons en cela et nous rendons véridiques ces informations. لا كيف ولا معنى ثم يقول لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا. Ensuite il dit la كيف sans que il n'y ait de comment et sans qu'il n'y ait de sens. ولا نرد شيئا منها et on ne réfute aucune chose de ces textes. ونعلم ان ما جاء به الرسول حق. Et on croit avec fermeté que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une vérité. Wa la narud ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la nasifu Allah bi akthari mimma wasafa bihi nafsuhu bi akthari mimma wasafa bihi nafsuhu bila haddin wa la ghaya. طيب ensuite il te dit et on ne qualifie pas Allah subhanahu wa ta'ala par plus que lui-même s'est qualifié sans lui affirmer une limite et une finalité. تمام هذا هو الموضع الثاني الذي انتقد على الإمام ابن قدامة. Ça c'est le deuxième passage qui a été critiqué où l'imam Ibn Qudama il a été critiqué. Taïb. Pourquoi? C'est pas lui qui a dit ça, c'est l'imam Ahmed. C'est pas lui qui a dit ça, c'est l'imam Ahmed. Comme il l'a mis. Déjà, ça c'est une bonne remarque de Uthman. Pourquoi on va critiquer cet imam-là alors qu'il rapporte un. Il fait que de rapporter un athar? Parce qu'il le rapporte, c'est qu'il valide. غير الكلمة لا هو على قول الإمام أحمد tout simplement parce que la parole de l'imam Ahmed en vérité elle est sortie de son contexte. Tamam. Ça veut dire que là lui comme il l'a évoqué il aurait dû préciser c'est quoi le sens Qu'est-ce qu'il veut dire par la kef, ou la ma'na, ou la had, ou la raya? C'est quatre choses là? La kef, sans qu'il n'y ait de comment. Ou la ma'na, sans qu'il n'y ait de sens. Ou la had, sans qu'il n'y ait de limite. Ou la raya, sans qu'il n'y ait de finition. Ces quatre paroles là, ces quatre mots, l'imam Ahmed, il a un but lorsqu'il les dit. Et l'imam Ibn Qudama, il a omis d'évoquer pourquoi l'imam Ahmed il a dit ces paroles-là. Ça va? Et ça, c'est la première faïda de ce dars. Comme quoi, quand vous allez voir, vous allez étudier al-aqida bi-usuliha, yani dirasatan tamman shamila, بعد ذلك تستطيعون بكل سهولة إذا وردت عليكم إشكالات من ماذا من بعد أقوال أهل العلم تستطيعون أن تفكوا الإشكال. Et là, à force que vous allez étudier les bases de la croyance, hein, la aqida sahiha, vous allez pouvoir plus tard, si jamais vous avez une parole d'un quelconque imam qui contredit le mu'taqad sahih, vous allez pouvoir diriger cette parole-là en fonction de ce que vous avez appris. C'est pourquoi il est très très très important au talib al-ilm de connaître la première des choses qu'il doit maîtriser dans la science, c'est la aqida. هذا أهم أهم شيء لابد أن يتقنه كما يتقن الفاتحة لا يغلط فيه. لأن الغلط في العقيدة يخرج المرء من دائرة السنة وقد يخرجه من دائرة الإسلام. Car le fait de se tromper dans la aqida, ça peut faire sortir la personne du suivi de la sunna. Et encore pire, ça peut le faire même sortir de l'islam. Non. Donc là, l'imam Ahmed, quand il dit bila ma'na ou bila kayf, lui, il réfute une secte parmi les sectes qu'on appelle Al-Mushabbaha. Une secte qui a pour croyance de comparer les attributs d'Allah avec les attributs des créatures ou avec des attributs qu'ils se sont imaginés. Alors, en fait, il veut dire « La kef mimma tawahhamu haolai » Al-Mubtadi'a. C'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas un comment comme se l'imagine ces Mubtadi'a. Tamam? Al-Mushabbiha. Et quand il dit bila ma'na, sans qu'il n'ait qu'il n'y ait de sens, pareil. Le sens que s'imagine Al-Mu'attila. Le sens que s'imagine Al-Mu'attila. Ceux qui ont réfuté les sifas, ceux qui ont réfuté les sifas d'Allah, parce que lui il vient et dit Allah subhanahu wa ta'ala il a pas de main, bal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha, il va dire non, ça c'est pas les mains d'Allah azza wa jal, innama le but visé c'est la miséricorde. Donc l'imam Ahmed il réfute là ce sens là que eux ils ont inventé ou ils ont innové ou ils ont ou le sens qu'ils ont ramené. En fait, il appelle à ce qu'on est fat selon le sens apparent. Voilà, selon le sens apparent, selon le sens authentique. Ça, l'imam Ahmed, il ne le refute pas. Il ne refute pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bel et bien des sifas qui ont un comment. Mais le comment, on ne le connaît pas. Al-kayfiyya ma min ahad ya'lamu. Tamam? Tandis que le sens, ça, on le connaît. Tamam. طيب. Donc on a terminé avec le lafz al-ma'na wa la kayf wa la ma'na. طيب. Ensuite il dit bila had. Bila had. Donc l'imam Ahmed il dit bila had, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune limite. et pas de fin. Bila had wa la gaya. Hada ya jamal. Kalam sahih. Allah alam. مسلم هل هذا كلامه من الإمام أحمد صحيح الله أعلم فهمي صحيح لو حد إلى الليمت طيب بلا حتى في غير أبد ليمت طيب الآن إذا قلت أنه بلا حد فمعنى أنه في الجدار أو في المسجد هذا أو هو يعني في المنبر كما يزعمون بعض الطوائف كم لبخيطان سختن سكت تمام كم لبخيطان سختن سكت يعني ceux qui prétendent ou ceux qui croient à l'i'tiqad wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud, c'est une croyance que bon nombre de mubtadi'a, d'ailleurs les fondateurs de Ikhwan al-Muslimin, ils sont sur cette croyance là. Ils sont sur cette croyance, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans toute chose. Dans l'arbre, dans le fleuve, dans la يعني المسجد وهذا باطل فإن الله فوق كل شيء فوق عرشه مستوى عليه c'est une croyance erronée car Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toute chose au-dessus de son arche établi au-dessus de son arche donc on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a had hein on dit qu'il a had طيب si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a had Il a une limite. Ça sous-entend qu'on peut connaître où il commence, où il termine. Tamam? Wada ghalat. Ghalatun kabir. Ghalatun kabir. Fa ma'na al-had. Al-had, c'est une kalima. Quand on te la ramène, la tunfih. Wa la tusbit. Tu la réfutes pas, mutlaqan. Et tu ne l'affirmes pas, mutlaqan. Mais tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu veux dire par ton mot, par le mot, la limite. Si tu veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création. Il est séparé de sa création. C'est-à-dire, il n'est pas à l'intérieur de sa création. Hada, c'est un sens juste ou la batel. C'est juste. Naam. Fa. بهذا المعنى نثبت الحد. Si c'est ça le sens du had, d'accord, on affirme. طيب. Mais si c'est le fait qu'on puisse concevoir qu'Allah il a un début, il a une fin, que ماذا كما يقول بعض المشبهة أن عرضه مثل طوله. Hein, comme certaines sectes qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala sa largeur est comme sa longueur. هذا كلام يعني إن لم يكن كفرا لأنه من الكلام على الله بلا علم فأقل درجاته أنها كلام محدثة ما تكلم بها رسول الله ولا الصحابة الكرام. نعم طيب نعم دونك الحد ça peut sous-entendre un sens juste un sens faux تمام donc nous on réfute le sens faux et on affirme le sens véridique نعم طيب Et l'imam Ahmed, plusieurs, yani, dans certains endroits, il a réfuté Al-Had, et dans d'autres, il l'a affirmé. Dans certains endroits, il a affirmé Al-Had, et dans d'autres, il l'a réfuté. Avec ce qu'on vient de dire, qui c'est qui peut nous expliquer et qui c'est qui peut nous faire le djem' entre le refus de l'imam Ahmed à certains endroits, il dit Bila Had, et dans d'autres endroits, comme il a été demandé, on l'a questionné au sujet d'une fatwa d'Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak, ce grand imam, un jour on lui a demandé Ayn Allah, et il a répondu qu'Allah subhanahu wa ta'ala fawq kulli shay ba'inun min khalqi. Séparé, Allah il est au-dessus de toute chose, séparé de sa création. Il est séparé de sa création, ensuite il a dit bihaddin. Il est séparé de sa création, bihaddin, avec une limite. L'imam Ahmed, ça lui est venu, cette fatwa de Ibn al-Mubarak, et il a dit yani u'jiba bidhalik wa qala hakadha indana. Donc l'imam Ahmed, il a été étonné de la parole de l'imam Ibn al-Mubarak et il a dit c'est la même chose chez nous. Yani on affirme cette parole-là de Ibn al-Mubarak, on affirme, on dit c'est la même chose chez nous. C'est-à-dire c'est la même chose dans notre aqida, dans notre croyance. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien une limite. Taïb. Donc lorsqu'il la réfute, il réfute quoi? Fahmi? Lorsqu'il réfute qawl al-had, kalimat al-had, il réfute quoi? Hein? Voilà, il réfute le mauvais sens du had, c'est-à-dire que le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une limite qu'on peut atteindre, on peut voir son début de sa fin. Tamam? Ça c'est batil. Donc ça il le réfute. Et lorsqu'il l'affirme, il affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une limite afin de contredire et de réfuter ceux qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve dans toute chose. Tamam? Non. Baqiya. Hal al-had من صفات الله عز وجل شوف وستخرجون من هذا الدرس إن شاء الله إذا استمرينا به هكذا تخرجون وقد فهمتم العقيدة فهما صحيحا فهذا الدرس يعني ما هو سهل ترى إذا تراجعون المسائل وتحفظون Inch'Allah, t'achrojoun bimalaka. Si on termine ce livre, si on termine, Inch'Allah, vous aurez acquis une grande connaissance en ce qui concerne la aqida. Surtout que le cours, comme vous le voyez, on le prend fakra fakra. On avance tout doucement, mais on essaie d'avancer bien. Naam. On avait vu dans un dars précédent, hein, que les noms et les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms ils doivent être توقيفية mais قبل هذا ها اسماء الله ايش الحسنى ما معنى الحسنى بالغة في الحسن غايته بالغة في الحسن غايته. Juste sur ce mot-là, balighatun fil husni ghayatuh, on a vu une divergence entre les savants sur bon nombre de noms. Et l'avis sahih, alladhi arah, anna al-asma al-husna ma ufid al-husn 'inda al-itlaq. C'est les noms, on appelle les noms les plus beaux d'Allah, les noms les plus beaux sont les noms qui indique l'excellence et la perfection d'une manière absolue, d'une manière libre, sans qu'il soit rattaché à quelque chose ou sans qu'il soit lié à quelque chose. Donc on a fait sortir de ça Dhul Jalali wal Ikram, Nour al-Samawati wal Ard. Même si c'est des noms d'Allah Azzawajal, et que certains comme Cheikh Abu Amr ou comme d'autres, Cheikh Yahya Mathalan, Athbata Lillahi Ism al-Nour. Cheikh Yahya voit que Allah subhanahu wa ta'ala, le nom al-Nour est bien confirmé. Malgré qu'il n'y a aucun hadith où vous allez trouver al-Nour. Al-Nour, ma honak hadith. إلا حديث إلا حديثا واحدا وهو ضعيف جميع الحفاظ على أنه يعني ضعيف حديث ضعيف تمام فلما تنظر الشيخ يحيى استدل بماذا على أن النور من أسماء الله استدل بقوله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى دي سورة النور نور السماوات والأرض طيب Mais il n'a pas dit An-Nur. Il a dit Nour, Samawati wal Ard. Donc, à la kulli hal, les savants comme Cheikh Al-Uthaymin, comme Cheikh Ibn Baz, comme Lejna Daima, eux, ils voient que Nour, c'est pas, il ne fait pas partie des noms, des plus beaux noms d'Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu d'une manière libre. Ce n'est pas venu dans le Coran et dans la Sunna d'une manière où il a été évoqué d'une manière absolue. Tamam ? Pareil pour les attributs. Les attributs, on a dit, Mada, Annaha, Ulia. Annaha, Ulia. Que c'est des attributs élevés. Taïb, Al-An, Al-Had. Al-Had. Eshmin, Ulu, Fiha. Al-Had. La limite. Est-ce qu'il y a un sens élevé dans. Il faut que vous sachiez ma min shay'in yusamma shay'an illa wa lahu had. Allez, c'est comme ça. Il n'y a pas une chose qui s'appelle chose dans l'univers. Il n'y a pas une chose qui s'appelle chose sans qu'elle ait une limite. Tamam? Donc ça, en vérité, ce n'est pas un sifat d'Allah Azzawajal. C'est comme si là, tu dis la limite de la mosquée, c'est cette porte. La limite de la mosquée. Est-ce que la limite là, c'est un attribut de la mosquée? Là. Mafhoum? Falhad, laysa min sifatillah azza wa jalla. Innama huwa shay yatamayyaz an ghayrih. Le had, c'est juste une chose par laquelle on différencie une autre. Une chose qui sépare une autre. Tayeb? Hada shay. Donc, الحد ليس من صفات الله طيب وكذلك لا بد أن تعلموا أن الحد حد الله لا يعلمه غيره لا يعلمه غيره et la limite d'Allah عز وجل personne ne l'a connu en dehors de lui تمام كسائر الصفات comme les autres comme les صفات الكيفية لا يعلمه إلا هو تمام فالحد كيفيته لا يعلمها إلا هو مفهوم طيب ونكتفي في هذا الدرس بهذا المقدار